Oh. Ça a l'air de marcher là. Ma basse. Je sais pas ce que tu faisais tout à l'heure. Ça, c'est pas possible, c'est ma voix. Accordeur de guitare. Thank you. Faire ça. One, two, three, four. Là, j'ai trouvé un truc là. We'll be right back. Thank you. C'est bien ce soir. C'est Martin. Follow you. Allez JP, suis. Martin. Come on, Martin. Let's do it till I fail. I was here from all my eyes to say, John. Salut Martin. I'm going to dinner. Super English. I am going to manger. Je vais manger. En français. Ich bin manger. Ich bin manger. Au revoir.